Le sang. Le sang. La croche-oreille. Le sang. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, c'est l'aventure sonore chaque dimanche à CKRL. Alors je vous propose ce soir d'entrée de jeu un panorama de la création sonore turque des années 50 jusqu'à maintenant à travers les œuvres de quelques-uns des artistes d'origine turque réunis autour d'un album magnifique intitulé « An Anthology of Turkish Experimental Music 1961-2014 ». C'est paru en 2017 sur étiquette Sub Rosa. Sub Rosa, qui est un prestigieux diffuseur basé à Bruxelles, qui fait un travail splendide en matière de promotion de la création sonore et expérimentale. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, on écoute un premier titre tiré de cette anthologie. Je vous reviens ensuite pour commenter cet album, une anthologie de sonorité expérimentale turque, avec, en commençant en douceur, avec Bursin Elmas. pour faire un peu d'histoire à propos de cet album de sonorités expérimentales turques, les commissaires du projet, Batur Sönmez et Erdem Elvisyaglu, ont passé 18 mois à chercher un éventail assez large de musique expérimentale anatolienne. James Mechner, un journaliste du journal The Independent, rapporte que les commissaires savaient qu'ils devaient commencer par des œuvres des compositeurs réputés des années 60. On pense entre autres à Bülent Arel et à İlhan Mimaroğlu, alors que les enregistrements expérimentaux turcs des années 70 et 80 étaient plutôt rares. Alors, la question était donc de savoir comment faire évoluer l'anthologie à partir de là, la musique expérimentale turque n'ayant vraiment pris son envol qu'au début des années 2000, suite notamment au lancement du premier programme un peu structuré de création musicale, et ça se passe en 99 à l'Université technique d'Istanbul. Alors, d'autres universités vont suivre, racontent les commissaires, vont suivre cette voie, et soudainement, beaucoup plus de gens se sont impliqués, et vous avez eu cette explosion de nouvelles musiques expérimentales avec différentes esthétiques et différentes disciplines. Alors, l'anthologie en est vraiment le reflet.

Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est Accroche-Oreille. Je vous fais entendre, écouter ce soir une anthologie de musique expérimentale turque qui couvre les années 60-2014. On raconte que la beauté de cet album réside dans ses multiples facettes musicales, des facettes plutôt formelles, créations dérivant du style électronica, vestiges d'harmonie du répertoire traditionnel turc, des pièces sonores plutôt conceptuelles et souvent colorées par le contexte politique. Et il se trouve que la plupart des créations sont liées à l'urgence de vivre et de penser, que la plupart des créations sont pensées librement, de manière à échapper, pour ainsi dire, à un espace de plus en plus étouffant, nous racontent les commissaires du projet Batur Sönmez et Erdem Elva Sioglu, deux créateurs sonores qu'on retrouve sur cette compilation qui sont très actifs sur la scène turque. Alors, lancé en 2017, faisant suite au coup d'État raté de 2016 et des purges qui vont s'enchaîner, l'anthologie qui paraît chez le label Sub Rosa, vous le devinez, est l'expression d'une liberté à reconquérir au travers l'expérimentation sonore de la Turquie actuelle. Thank you. Thank you. choses étant ce qu'elles sont, je suis une voix. C. Je puis être musique. K. Bruit. R. Silence. L. Point QC. Point CA. Nul ne sait ce que je porte dans mes sillons. Communication. Culture. Je suis un message. CKRL.QC.CA. Alors, on est de retour, c'est l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL qui vous propose ce soir l'écoute de pièces tirées d'une anthologie d'expérimentation sonore et musicale turque qui couvre la période 1961-2014. Je vous fais écouter des extraits de cette riche compilation dans un désordre absolu, mais tout de même dans une continuité sonore assez cohérente. Alors, bien que riche et diversifié sur le plan musical, la Turquie n'est pas vraiment connue pour son versant expérimental, raconte le critique Roland Torres dans un article sur la compilation. Il reconnaît que ce projet comble un vide regorgeant de titres inédits et de péripéties, naviguant sur les eaux mouvementées de la musique concrète, du field recording et de l'électroacoustique. Ce qui frappe, dit-il, c'est la cohérence de la sélection et des enchaînements, les titres s'imbriquant les uns après les autres avec une fluidité naturelle qui fait presque oublier que nous sommes là face à une compilation et à une variété de sonorités tournoyantes. Pour le critique Daniel Barberio, cette compilation est une excellente introduction à l'expérimentation sonore de la Turquie contemporaine. On y retrouve des éléments académiques, certes, qui s'approche souvent du sérialisme et de la musique concrète, ainsi que un éventail de musique ambiante, d'échantillonnages, des enregistrements sur bande, des boucles, des drones, bref, tout le vocabulaire de la musique expérimentale y trouve son compte. Et à propos de la présence des field recording, Bartem Elvasioglu a dit que les prises de son en direct ont toujours été importantes pour l'esthétique de la musique expérimentale turque. Et là, j'ouvre les guillemets, il dit « Il y a tellement d'espaces acoustiques différents sur lesquels travailler et parce que vous ne pouvez jamais contrôler l'environnement, vous avez toujours cet élément de hasard. » Alors, on écoute deux pièces tirées de cet album, une pièce de Koran Erel et de Sem Güney. Alors, je l'ai évoqué en début d'émission, cette anthologie de sonorités expérimentales turques parue en 2017 reflète la volonté des artistes de ce pays de reconquérir leur liberté d'expression. Plusieurs pièces de la compilation comportent en effet des commentaires sociopolitiques qui font écho aux turbulences démocratiques de la Turquie des 10 dernières années, notamment. Comme le rapporte James Mechner du journal The Independent, les réalisateurs du projet ont fort bien souligné le lien de longue date qui relie la musique expérimentale turque et la politique. Ils soulignent à ce sujet que les enregistrements in situ qu'a réalisé Erdem Elvasioglu lors des manifestations au parc Gezi à Istanbul en 2013, ainsi que l'œuvre de Asaf Yüksel qui comporte des extraits d'un discours du président turc Erdogan. Et là, j'ouvre les guillemets. Une chose qui n'a pas changé en Turquie depuis Harel et Mimaroglu, deux artistes réputés de l'art sonore, eh ben, c'est la perception de la musique, que la musique expérimentale en tant que musique outsider. En outre, le gouvernement et l'industrie du disque turc ne soutiennent pas vraiment le genre. Même les universités du pays ont des difficultés financières, ont tendance à privilégier les compositeurs qui mettent des notes musicales, entre guillemets, sur papier. Thank you. Alors, pour conclure la soirée, je me dois de souligner que cette anthologie d'expérimentation sonore turque fait une belle place à deux figures majeures et réputées de la musique électronique internationale. Il s'agit de Bülent Arel et de İlhan Mimaroğlu. Arel, il est originaire d'Istanbul, a étudié Ankara et Paris. Il a enseigné, a été le premier directeur musical de Radio Ankara de 1951-59. Boursier de la Fondation Rockefeller, il va travailler à Columbia, Princeton. Il va fréquenter Edgar Varèse, avec lequel il va travailler notamment sur les sections électroniques du projet Désert. Bülent Arel compte parmi les influences de Frank Zappa, semble-t-il. Tout ça pour dire combien ses créations occupent une place particulière dans l'histoire de la musique électronique. À propos de Mimaroğlu, il est connu notamment pour les œuvres musicales et sonores qu'il crée pour le film satiricomte Fellini. Ça se passe en 69. Lui aussi, il a migré aux États-Unis, boursier de la Fondation Rockefeller, et il a flirté notamment avec la musique de jazz comme producteur. Il a produit nombreux albums qui exploitent le ruban magnétique, les synthés modulaires et les instruments conventionnels. Alors, je vous propose donc un enchaînement de deux pièces, une pièce de Bülent Arel et de İlhan Mimaroğlu pour compléter l'émission. Thank you. Alors ainsi s'achève l'accroche-oreille sur les sonorités de Ilan Mimaroglu, c'est le prélude numéro 17, entre parenthèses Istanbul Fog, alors le brouillard d'Istanbul. Alors je vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur le site web de l'accroche-oreille. Vous allez trouver ça facilement pour y retrouver les pièces qu'on a entendues ce soir ainsi que les balados des émissions précédentes. Restez à l'écoute, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.